Dire qu'au début tout nous semblait si beau. Sur notre île, il y avait des vallées fertiles, des forêts, des ruisseaux, une terre riche en argile et des prés pour les troupeaux. On a élu domicile sur notre île au milieu de l'eau. Au milieu de l'eau. Sans se forcer, on fit car le temps file. Des marmots, on était 100, on était 1000. Alors on s'est mis au boulot. Les arbres nous sont utiles, on les découpe en morceaux pour élever de grandes villes sur notre île au milieu de l'eau. Oh, oh, oh, oh, au milieu de l'eau. Dire qu'on était si tranquille, qu'on avait tout ce qu'il faut. Dire que la vie était facile sur notre île au milieu de l'eau. On a continué sans se faire de bile. On avait beau voir les saisons qui défilent, on ne voyait pas de défauts. Mais une forêt que l'on mutile, ça ne repousse pas de sitôt. Pourtant sans un battement de cils, on a coupé les arbrisseaux. Oh, oh, oh, oh. Les arbrisseaux. Un beau jour, c'est la guerre civile, c'en est trop. La famine se profile, y a plus l'ombre d'un haricot. La terre est devenue stérile, à être exploitée sans repos. C'est la fin de notre idylle sur notre île au milieu de l'eau. Oh, oh, oh, au milieu de l'eau. Si tranquille qu'on avait tout ce qu'il faut. Dire que la vie était facile sur notre île au milieu de l'eau. Pour les bateaux, nous voilà comme des imbéciles, comme des moutons dans un enclos, comme une côte d'agneau sur le grill, sur notre île au milieu de l'eau. Oh, oh, oh, au milieu de l'eau. Comme sur une île, l'équilibre est subtil, c'est pas l'eau. Notre empreinte indélébile a perturbé ce milieu clos, car à ne voir que son nombril, on en oublie un peu trop. Terre est comme une île isolée au milieu de l'eau. Oh, oh, oh, oh, au milieu de l'eau. Facile sur notre île au milieu de l'eau.